Et ça c'est Zitaninel. Et depuis les Mikiliens, les affaires sont les affaires. Et cette fois-ci je vous ai laissé le pays. Yeah. Kanisi, papa si hoyo na moni. Bonzambe, j'ai mal la tête et mal au côté. Oh, moi je pleurais fatigué. Oh, comme un chaleur et quoi te quoi te go. N'est-ce pas vraiment, ce n'est pas possible, go. Pour moi vraiment, ce n'est pas possible, oh, oh. J'ai pleuré fatigué, oh, comme un chien vert et quoi t'es quoi t'es beau. N'est-ce pas vraiment, ce n'est pas possible, oh. Pour moi vraiment, ce n'est pas possible, oh, oh, oh. Tanti moté maro, moi c'est un sentiment, eh. Tanti moté maro, moi c'est un sentiment, eh. Moi tanti moté maro. Moi c'est un sentiment, hé, hey. Tanti monte ma ho. Moi c'est un sentiment, hé, hey. Sentiment monte ma antille, hé, hey, hey, hey. Oh sentiment monte ma antille, ah, ah, ah. Tanti monte ma ho. Moi c'est un sentiment, hé, hey. Tanti monte ma ho. Moi c'est un sentiment, ha. Oh tanti monte ma ho. Moi c'est un sentiment, hé, hey. Sentiment monte ma antille, hé, hey, hey, hey. Oh sentiment monte ma antille, ah, ah. Personne au monde. loboko ya mosanto lokasa ya mbongo ya Yeah. La Katia Titan.